La boucle est bouclée par miséricorde. C'est ce qu'on appelle du taf. Ce soir, je vais me coucher plus tard que la diffusion de ta série gore. Je me fous de ta petite chérigope. Ton cake, c'est sans intérêt. Je préfère planer autour du globe tout en restant bien terrestre. L'homme a détruit sa résidence sans tu qu'à dur mort. Nous sommes les génies vivants dans une nature morte. On espère sortir du lot sans se faire aduler. On manque pas de culot, on a de l'eau, pourtant on boit du lait. On connaît pas nos corps, on a cru ce que tant de menteurs disaient. On se nourrit comme si on mettait de l'essence dans le moteur diesel. Ma mère n'interdisait presque rien, elle nous prévenait. Elle préparait la soupe sur un air de Snoop et Dre. J'oublierai pas les mixtapes copiés sur des cassettes à bande. À cette époque, la plume de Rousse aurait déjà cassé la tienne. Les sessions avec le voisin agacé tapant au plafond toute la nuit parce qu'on a caché la sienne. Toute ma frustration, je la pose sur couplet. Sans hésitation, incrustation, la boucle est bouclée. Prends pas la gale pour une poupée. Réfuse une percussion pour les coins qui semblent étouffer. Toute ma frustration, je la pose sur couplet. Sans hésitation, incrustation, la boucle est bouclée. Prends pas la gale pour une poupée. Réfuse une percussion pour les coins qui semblent étouffer. Quand t'avances, faut que j'ai trop crâne. Fuck le best en motocrâne. Fait qu'ils font tous les sur le message. Je phrase sous forme de pictogramme. On veut tout craille. Tu fais le chic, on te pique ton gramme. J'suis le même sur tous les angles, ma sale ganache en hologramme. Mais y'a pas que les temps qui changent, les gens aussi. Ouais, ton meilleur pote peut te la mettre au bord des parésies. Souvent j'me dis que le monde tourne à l'envers. On m'a dit frère, un jour tout se paie, donc laisse le talent faire. Bien dans la trentaine, j'ai mis ma vie entre parenthèses, aucun lien de parenté. Si j't'appelle frère, dis-toi que c'est parentise. Aucune galanterie quand j'prends le max, j'me tranche la carotide. Du vécu sous la carrosserie, j'me pète la voix, même sous 40 litres. Qu'est-ce qui tombe par rond, coup du sort comme du gari. Manque de chance, j'ai croqué dans la pomme avec de belles caries. Prise de risque ou prise de conscience. Désormais je prends du recul quand on me parle de confiance. Toute ma frustration, je la pose sur couplet. Sans hésitation, incrustation, la boucle est bouclée. Prends pas la gale pour une poupée. Réfuse une percussion pour les points qui semblent étouffer. Toute ma frustration, je la pose sur couplet. Sans hésitation, incrustation, la boucle est bouclée. Prends pas la gale pour une poupée. Elle fiche une percussion pour les bruits qui sont pleins de poupées. Rien ne change et pourtant ça va une telle vitesse. Faille à moi, j'ai toujours eu que l'envie pour seule richesse. L'envie d'y aller, de leur crier la politesse. Au wark, l'envie de crier l'ennui et puis que la police cesse. Quand je rêve de business, en vrai je me disperse. Et perdu l'ivresse, il me reste ma tristesse. Ma peine indigeste que je déverse dans mes vers. Je m'évertue, je persévère, c'est de la vertu le revers. La verdure le travers, j'avertis sur de la réverbe. Écoute, sous ta cagoule, prépare ta bouche. Pour ceux qui baroudent, qui s'accoutent, dès le départ ça bouge. Courte, courte, sont les routes arpentées par la foule. Que c'est par la voûte, tous en course, moi je déclare de la foudre. Boule d'angoisse, les mois que ça boude, boude. Beaucoup de doutes, doutes, mais je fais pas de la soupe. Vas-y, goutte, goutte, c'est le sang des roots. Le son des roots, tu le sens des hoops. Joue des coudes si le son des coupes. Toute ma frustration, je la pose sur couplet. Sans hésitation, incrustation, la boucle est bouclée. Prends pas la gale pour une poupée. Réfuse une percussion pour les points qui semblent étouffer. Toute ma frustration, je la pose sur couplet. Sans hésitation, incrustation, la boucle est bouclée. Prends pas la gale pour une dans le sang, ce besoin d'écrire, de retranscrire ce que l'on ressent, ce besoin de communiquer, ce besoin de tourner l'idée, lire entre les lignes et tout deviner malgré l'obscurité. Trop de choses à dire, écriture automatique, besoin de combler les vides, penser nos plaies, nos traumatismes, besoin de remplir la feuille d'une écriture provocatrice. Voilà la marée noire et l'encre coule comme la mogo Cadiz. Hey, le dépassement de soi est parfois épatant, mon stylo n'est pas tendre et me demande mais qu'est-ce t'attends de moi. Et fréquemment, en l'écrasant de mes doigts, rédige mes testaments, me désarmant intégralement, en épargnant mon éclatement de foi. J'ai et réclamant mes droits sans étalement des lois. Face à l'égarement de cerveau méchamment étroit, je gratte sans ménagement principalement quand mon détachement décroît, tout en observant mon stylo se régalant des proies. Toute ma frustration, je la pose sur couplet. Sans hésitation, incrustation, la boucle est bouclée.